Moi c'est Lorenzo, alias atypique, pas typique. Tu te vois, tu typiques comme un outil ou un tic-tic. C'est dramatique, authentique, sur cette psychosique. Sarcastique, psychotique, avec psychosique. Je mets la panique, y'a pas de hic, pas de mic. Max, c'est ma tactique, si j'attaque mystique, j'éclate la critique. Pire que l'arsenic, quand je marche, je nique comme du plastique, bombe. Ça stick et ça te colle, colique comme de la mastique. Une masque épique qui te défend et t'étapant. Chic, chic, chic, ta chic, c'est ta chic atypique. Excite tout ta clique, comme gars si mort magique. Je m'entends tes morts tragiques avec mon pic bleu. J'écris des rythmiques, direct des big scripts. Marin, c'est l'ethnique, pas sélectique. Cette musique éclectique, gicle. T'es perdu, dis donc, dis que je suis bandit, pas un dandy. Jamais je ne mendis, tu m'en diras tant. Je viens d'étaudir, je ne me prends pas pour Gandhi. Mais le Mac, je le brandis. Je suis plus un apprenti, sans mentir, très vite j'ai grandi. Tu Brandon, c'est pas ça que je donne. Y'a my god, je m'abonne au gok, ça rap pur. Jamais j'abandonne. Gok, ça rap, dans ta race, ça dérape, mais ça passe. Plus dur que de la balade, ça te menace. Ce style, ça passe, c'est le freestyle. Anti-tomi, type et type. Le freestyle sophistiqué d'atypique.